بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد. Donc on continue l'explication du livre لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد, la lumière de la foi qui guide vers le chemin droit, un livre de l'imam Ibn Qudama al-Maqdisi رحمه الله, et l'explication de Cheikh Salih Ibn Fawzan al-Fawzan, qu'Allah le préserve. La semaine dernière, on avait cité la parole de l'imam Ibn Qudama, une parole qui rapporte de l'imam Al-Adrami, rahimahullah ta'ala, qui avait fait un débat avec une personne de l'innovation qui a appelé les gens à l'innovation qui était Naam. Ahmed ibn Abi Duad. Et quelle était cette innovation à laquelle il appelait les gens? Naam, de dire que Al-Qur'an ou makhlouq, que le Coran est créé. Or, le Coran est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, et la parole d'Allah est un caractère ou un attribut, des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc comment dire qu'un des attributs d'Allah azza wa jal est créature? Et l'imam Ibn Qudam a cité cette parole où il décrit, où il rapporte, où il cite le débat qu'il a eu entre ce grand savant Muhammad Ibn Abdurrahman al-Adrami avec cet innovateur Ahmed Ibn Abi Duad. Il lui a dit, est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Omar, Uthman et Ali connaissaient cette innovation ou ils ne la connaissaient pas? Il a répondu, ils ne la connaissaient pas. Il lui a donc dit, une chose que ne connaissaient pas ces personnes, toi tu la connais. Il est revenu sur sa parole et a dit, non, il le savait. Puis, l'imam al-Adrami a dit, une chose qui... أَفَوَسِعَهُمْ أَلَّا يَتَكَلَّمُوا وَلَا يَدْعُوا النَّاسَ إِلَيْهِ أَمْ لَمْ يَسَعُهُمْ. Est-ce qu'il leur suffisait, ou est-ce qu'il leur a suffi de ne pas citer cette chose, ou est-ce qu'ils se sont contentés de ne pas la dire? Il a répondu, ils se sont contentés, c'est-à-dire de ne pas la dire. Et l'imam al-Adrami lui a répondu, une chose dont se sont contentés le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses califes bien guidés, tu ne t'en contentes pas toi, il s'est alors tu et al-Khalifa qui était présent, le gouverneur qui était présent, ou le calife, a dit « La wassa'allahu ala man lam yassa'hu ma wassi'ahum » que ne soit pas contenté celui qui ne se contente pas de ce qu'ils se sont contentés. Autrement dit, que si le prophète sallallahu alayhi wa sallam savait que la parole d'Allah, que le Coran était créé, s'il le savait, il ne l'a pourtant pas dit, il ne l'a pourtant pas transmis aux gens. Autrement dit, l'imam al-Adrami a mis Ahmed ibn Abi Duad dans une situation difficile, à savoir que, en considérant qu'il le savait, malgré qu'il le savait, ne l'ont pas transmis. Donc ils se sont contentés de le savoir sans le transmettre. Pourquoi toi prends-tu cet engagement de le transmettre alors que le professeur Hassan, lui, ne l'a pas transmis? Autrement dit, est-ce que tu ferais quelque chose que tu ne te contenterais pas de quelque chose de dont se sont contentés le professeur Hassan et les compagnons, et c'est ici qu'il s'est tué. Puis le calife a dit que la wassa'allahu ala man lam yassa'hu ma wassi'ahum, que ne soit pas contenté celui qui ne se contente pas de ce dont ils se sont contentés, c'est-à-dire le prophète et ses compagnons. طيب. Ensuite, Cheikh Al-Fawzan hafidhahullah a expliqué la parole de l'auteur والراسخون في العلم من تلاوة آيات الصفات وقراءة أخبارها وإمرارها كما جاءت. Que celui qui ne se contente pas de ce dont s'est contenté le prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que ses compagnons ainsi que ceux qui les ont suivis, ainsi que les imams qui les ont suivis dans la bienfaisance et les gens de science dans la lecture des versets qui parlent des attributs d'Allah et la lecture des hadiths et de les rapporter ou de les citer comme ils ont été rapportés, qu'ils ne soient pas contentés ou qu'Allah fasse en sorte qu'ils ne soient pas contentés. Et Cheikh Fawzan avait expliqué cette parole en disant qu'il y a des versets où Allah Azza wa Jalla parle des noms et attributs, comme le verset « Rien ne lui ressemble, et celui qui entend tout et qui voit tout », et d'autres versets dans lesquels Allah Azza wa Jalla a attesté d'attributs qui lui sont propres, comme le visage, comme les mains, comme la science, comme le pouvoir, ou comme la création, la pourvoyance, la parole, et le fait de s'établir au-dessus du trône, et la lecture d'autres hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui eux aussi parlent des noms et attributs d'Allah Azza wa Jal, et que les salafs, nos pieux prédécesseurs, et ceux qui les ont suivis parmi les grands imams, ont lu ces versets et ces hadiths, et les ont cités comme ils ont été rapportés, sans les interpréter, ni s'intéresser au comment de ces attributs. Et également, ces textes, c'est-à-dire ces versets et ces hadiths, n'ont pas été problématiques pour eux, car ils connaissaient le sens. Pourquoi est-ce qu'ils connaissaient le sens de ces versets, de ces hadiths ? Pourquoi est-ce qu'ils connaissaient le sens ? Non, parce que c'est descendu, parce que ces textes, le Coran et les hadiths du prophète, ont été révélés en langue arabe. « Wahum arabun fusaha » comme a dit Cheikh Fawzan, et ces savants étaient des arabes purs. Et malgré qu'ils connaissaient le sens, ils n'ont pas demandé plus et n'ont pas cherché à savoir les sens cachés de ces textes. Mais ils se sont contentés de les citer comme elles ont été rapportées et ne se sont pas posé la question à savoir, mais si on atteste de cela, alors on va faire ressembler Allah à ses créatures en attestant qu'Allah a un visage ou qu'Allah a deux mains. Cela va faire en sorte que l'on fait ressembler Allah à ses créatures. Ils ne se sont pas posé ce genre de questions. On s'est arrêté ici. قال الشيخ الفوزان ما قالوا في قوله السميع البصير والمخلوق السميع البصير فيلزم التشبيه ما قالوا هذا لأنهم يعلمون أن صفات الخالق تختص به وصفات المخلوقين تختص بهم فليس سمع المخلوق كسمع الخالق ولا بصر المخلوق كبصر الخالق ولهذا قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. Ils n'ont pas dit, c'est-à-dire nos pieux prédécesseurs et les savants qui les ont suivis, ils n'ont pas dit dans la parole d'Allah As-Sami' al-Basir, celui qui entend tout et celui qui voit tout. Ils n'ont pas dit la créature voit et entend, alors cela implique la ressemblance entre la créature et le créateur. Ils n'ont pas dit cela, car ils savaient et ils savent que les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, les attributs du créateur sont propres à lui et les attributs des créatures sont propres à elles. Lui de la créature n'est pas comme lui du créateur. La vue des créatures n'est pas comme la vue du créateur. Et c'est pour cela qu'Allah Azza wa Jalla a dit « Rien ne lui ressemble. » Et c'est lui qui voit tout, et c'est lui qui entend tout, et qui voit tout. « Ma ashkalat hadhihi al-aya ala sahabati rasulillah wa la ala ahli al-ilmi fi al-quruni al-mufaddala bal qara'uha wa aqarruha kama ja'at muthbitina ma dallat alayh حتى جاء خلوف من الأعاجم وأولاد الأعاجم الذين في فطرهم تلوث من الوثنية ومن المذاهب ومن مذاهب الكفار وصاروا يخطبون خطب عشواء ويتحذلقون فيها وأما أهل العلم الراسخون في العلم فإنهم لم يتعرضوا لها كالأئمة الأعلام ومنهم من هو من الأعاجم لكن عندهم بصيرة وعندهم علم وعندهم رسوخ في العلم لم يتعرضوا لها وإنما تعرض لها هؤلاء الذين تلوث فطرهم وتكدرت أفهامهم بقيح الوثنية وقيح الكفر وصاروا يقولون ما يقولون. Michel Fawzan, حفظه الله, a dit ces versets ou ce verset n'a pas été problématique pour les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni pour les gens de science qui ont vécu durant les trois générations bénies, mais ils les ont lus et les ont cités comme elles ont été rapportées, en attestant leur sens, et ceci jusqu'à ce qu'est venu Khalouful min al-A'aj, des groupes de personnes non arabes, wa awlad al-A'aj, et leurs enfants, alladhina fi fitrihim talawwutun min al-wataniyyah, et leurs enfants, et les chers donnent une image, et dit jusqu'à ce que est apparu des personnes non arabes, autrement dit, qui sont rentrées et qui ont voulu comprendre le Coran et la Sunna, et en particulier les textes qui parlent des noms et attributs d'Allah Azza wa Jal, sans connaître la langue arabe, ou en ayant une connaissance limitée de la langue arabe. Et ils sont venus avec leurs enfants, dont la nourriture a été contaminée par le polythéisme. Autrement dit, ces personnes non arabophones sont venues et ont enseigné à leurs enfants des choses fausses, contaminées par le polythéisme. Wa min madahib al-kuffar, et par le rituel des non-musulmans. وَصَارُوا يَخْبِطُونَ خَطْبَ عَشْوَى, et ils ont alors pataugé et ont agi à l'aveuglette. Ils ont alors pataugé, c'est-à-dire dans les versets du Coran et dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont agi à l'aveuglette, yani ils ont parlé sur ces textes sans en connaître, sans science. Quant aux gens de science qui sont ancrés dans la science, ils n'ont pas poussé, ils n'ont pas cherché dans les versets ou les hadiths du professeur Aslam qui parlent des noms et attributs d'Allah Azza wa Jal, comme les plus grands imams. Et parmi ces grands imams, il y avait même des imams qui n'étaient pas arabes. Mais ils avaient de la clairvoyance, ils avaient de la science, ils étaient même ancrés dans la science, mais ils ne se sont pas attardés sur, ils n'ont pas approfondi dans ces versets et hadiths du prophète Hassan qui parlent des noms et attributs d'Allah Azza wa Jal. Mais ont approfondi l'expertise, ces personnes dont qui ont été contaminés par le polythéisme, comment traduire ça, leur compréhension a été ternie, si on traduit, a été ternie par le pus du polythéisme. Par le pu du polythéisme et le pu de la mécréance, et c'est ce qui a fait qu'ils disent ce qu'ils disent. Autrement dit, c'est ce qui a fait qu'ils interprètent les noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala et leur donnent des sens déviés que n'ont pas donné les savants de l'islam et à leur tête les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est clair ou pas? Fama مما جاء قال الإمام ابن قدامة فمما جاء من آيات الصفات قوله تعالى ويبقى وجه ربك وقوله تعالى بل يداه مبسوطتان. Et ce qui est venu, donc l'imam ibn Qudama a dit, après avoir cité les règles, cite maintenant les exemples. Et dit, et ce qui est rapporté parmi les versets qui parle des attributs, la parole d'Allah Azza wa Jal, وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ, seule subsistera la face de ton Seigneur. Et la parole d'Allah Azza wa Jal, بَلْ يَدَاهُمَ بِسُوطَتَانَ, bien au contraire, ses deux mains sont ouvertes. قال الشيخ الفوزان لما انتهى من بيان منهج السلف في أسماء الله وصفاته شرع يذكر أمثلة لنصوص الصفات من الكتاب والسنة. Donc الشيخ الفوزان dit, après avoir cité la voie des salafs et le chemin des salafs dans les noms et attributs d'Allah, l'auteur parle maintenant des exemples tirés du livre d'Allah et de la sunna de son prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant les noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. فَكَمَا جَاءَ مِنْ ذِكْرِ صِفَاتِ اللَّهِ فِي الْقُرْآنِ الْوَجْهِ أَوْ فَمِمَّا on est une erreur de phrase. فَمِمَّا vous avez فَكَمَا فَمِمَّا جَاءَ مِنْ ذِكْرِ صِفَاتِ اللَّهِ فِي الْقُرْآنِ الْوَجْهِ وصف الله نفسه بأن له وجها كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام هذا فيه إثبات الوجه لله تعالى فالسلف قرأوا هذه الآية ولم يتعرضوا لها ولم تشكل عليهم أثبتوها كما جاءت فدل على وجوب إثبات الوجه لله تعالى أما من جاء من أهل الضلال فإنهم قالوا المراد بالوجه الذات لأننا لو أثبتنا الوجه للخالق وهو موجود في المخلوق للزم التشابه بين الخالق والمخلوق تعالى الله عما يقولون فنقول كلا لا يلزم من إثبات الوجه لله مشابهته لوجه المخلوق بل الله جل وعلا له وجه يليق بجلاله ولنعلم كيفيته وللمخلوقين وجه يليق بهم. Donc Cheikh Fawzan dit, parmi les attributs qui ont été, les attributs d'Allah Azza wa Jalla qui ont été cités dans le Coran, le visage. Allah subhanahu wa ta'ala s'est attribué à lui-même un visage, comme l'a dit Allah Azza wa Jal dans Surat Ar-Rahman, les versets 26 et 27. Tout ce qui est sur elle, c'est-à-dire sur la terre, doit disparaître. Et seul subsistera, et seul restera la face de ton Seigneur, plein de majesté et de noblesse. Dans ce verset, il y a l'attestation qu'Allah Azza wa Jal a un visage. Et les salafs, les pieux prédécesseurs, ont lu ce verset et ne se sont pas attardés dessus. Et ce verset n'a pas été problématique pour eux. أَثْبَتُوهَا كَمَا جَاءَتْ Ils l'ont cité comme ce verset a été rapporté. فَدَلَّ عَلَى وُجُوبِ إِثْبَاتِ الْوَجْهِ لِلَّهِ Ceci prouve donc qu'il faut attester et qu'il faut attribuer à Allah Azza wa Jal un visage. أما ما جاء من أهل الضلال quant à ce qui provient des personnes égarées, ils disent le but ou ce qui a été voulu dire par le visage, c'est al-dhat, c'est l'essence. Car si nous attestons le visage au Créateur, wa huwa mawjoudun fil makhluq, alors que le visage est présent chez les créatures, ceci oblige donc de faire ressembler le Créateur à la créature. Ta'ala Allahu amma yaqulun. Puis Cheikh Fawzan dit qu'Allah soit exalté de ce que disent ces personnes. Et nous disons, fanaqul, bien au contraire, la yalzamu, il n'est pas, ce n'est pas parce que l'on atteste le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala que nous le faisons ressembler au visage de ces créatures. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a un visage qui est propre à lui et à sa majesté et à sa grandeur et nous ne connaissons pas le comment et les créatures ont un visage qui leur est propre. Donc ceci est concernant le premier verset. Concernant le second verset qui est le verset de l'Maïda de Surat la table servie, le verset 64, Allah Azza wa Jalla dit bien au contraire ses deux mains sont ouvertes. هذه الآية فيها إثبات اليدين لله جل وعلا لما ذكر الله مقالة اليهود فقال وقالت اليهود يد الله مغلولة يصفون الله بالبخل سبحانه وتعالى قال تعالى غلت أيديهم فاليهود هم أبخل الناس بالمال وأحرص الناس وأشجع الناس على جمع المال ولذا يجمعونه من كل صوب من حلال ومن حرام عندهم جمع المال لا يتوقف على حلال وحرام استباح الربا واستباح الميسر واستباح البغاء وإجار البغي وفتح دور البغاء للاستثمار هذه صفة اليهود يجمعون من كل ما هب ودب ولكن لا ينفقون ف فهم أبخل الناس فهذا وصف يطبق عليهم غلت أيديهم بمعنى أنهم ضربوا بالبخل وليس بمعنى أن يد... وليس معناها أن أيديهم معلقة بعناقهم هذا مقصود به البخل كما قال تعالى ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك يعني بالبخل ولا تبسطها كل البسط الإسراء يعني بالإسراف. Concernant le second verset, Cheikh Al-Fawzan dit « Dans ce verset, il y a l'attestation des deux mains à Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque Allah azza wa jal a cité la parole du peuple juif, lorsqu'ils ont dit « Et les juifs ont dit que la main d'Allah est fermée. » Ils ont décrit Allah azza wa jal comme étant avare. Et Allah azza wa jal a dit « Rullat aydihim » que leurs mains soient fermées. Le peuple juif sont donc les plus avares parmi les gens et sont les gens les plus motivés à rassembler l'argent. C'est pour cela qu'ils le rassemblent, quelle que soit l'origine, que l'origine soit licite ou illicite. Pour eux, le fait de rassembler l'argent et de l'accumuler ne s'arrête pas à autoriser ou interdit. Ils ont autorisé l'usure, ils ont autorisé le jeu d'argent, ils ont autorisé la prostitution, ils ont autorisé le fait de ijar al-bari, de donner un salaire à une prostituée. Ils rassemblent tout ce qu'ils peuvent rassembler, mais ne dépensent pas. Ils sont donc parmi les plus avares. فَهَذَا وَصْفٌ يَنْطَبِقُ عَلَيْهِمْ ceci est ce qui les caractérise غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ comme l'a dit Allah Azza wa Jal que leurs mains soient fermées بِمَعْنَا c'est-à-dire qu'ils soient frappés et qu'ils soient atteints de l'avarice et cela ne veut pas dire que leurs mains soient attachées à leur cou car ceci est une image et une métaphore qui signifie l'avarice comme l'a dit Allah Azza wa Jal lorsqu'il s'est adressé au prophète sallallahu alayhi wa sallam ne porte pas ta main enchaînée à ton cou. C'est-à-dire, ne sois pas avare. Ça ne veut pas dire, yani, ne t'enchaîne pas les mains à ton cou. Ça, c'est une image qui veut dire ne sois pas avare. Et ne l'étends pas non plus trop largement. C'est-à-dire, ne sois pas gaspilleur. Ne sois pas gaspilleur. فَلِمْسَكُوا عَنِ النَّفَقَةِ بُخْلٌ وغل لليد والبسط في النفقة كل البسط هذا إسراف ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا والذين وقال تعالى والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. Donc le fait de s'abstenir de dépenser est considéré comme de l'avarice et considéré comme le fait d'enchaîner ses mains. Ou al-basto est le fait de trop élargir et de trop étendre dans les dépenses, ceci est considéré comme du gaspillage. C'est pour cela qu'Allah Azza wa Jalla a dit « Et ne porte pas ta main enchaînée à ton cou, et ne l'étends pas non plus trop largement, fataq'uda malouman mahsoura, car tu seras alors chagriné, blâmé et chagriné. » Blâmé, pourquoi blâmé ? Blâmé pour avoir. Allah Azza wa Jalla dit Malouman Mahsoura. Allah Azza wa Jalla dit dans ce verset ordonne de ne pas être avare et ordonne de ne pas gaspiller. Puis il dit sinon, car tu seras blâmé et chagriné. Blâmé si tu auras. Non? Blâmé si tu as gaspillé et chagriné si tu as été avare. Pourquoi chagriné quand on est avare? Parce que tu regretteras de ne pas avoir donné. C'est là où tu auras des regrets et tu seras chagriné et tu seras blâmé si tu es gaspilleur car on te reprochera tes dépenses qui sont injustifiées, qui sont abusives. C'est clair? Et alors j'ai dit dans un autre verset et ceux qui lorsqu'ils donnent, lorsqu'ils dépensent, ils ne gaspillent pas ni sont avares, wa kana bayna dhalika qawama, et sont dans le juste milieu. ثم قال الشيخ الفوزان قال تعالى ولعنوا بما قالوا لعنهم الله بما تنقصوا الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل ولعنوا بما قالوا. Ils ont été maudits pour ce qu'ils ont dit. Allah عز وجل les a maudits pour ce qu'ils ont ou à cause de ce par lequel ils l'ont qualifié, à savoir la varice. Allah Azza wa Jalla a maudit les peuples juifs car ils ont dit Yadullahi maghloula, la main d'Allah est fermée. Walla'nu huwa at-tardu wal ibadu an rahmatillahi subhanahu. Fadalla ala shana'ati hadhihi al-maqala wal 'iyadu billah. Thumma qala jalla wa 'ala bal yadahu mabsuutatan yunfiqu kayfa yasha'. فكل الخلائق تعيش على فضله سبحانه وعلى رزقه كل الخلائق من البهائم والآدميين والحشرات وكل المخلوقات كلها تعيش على رزق الله سبحانه وتعالى يده سحاء الليل والنهار سبحانه وتعالى ولله خزائن السماوات والأرض فكل ما يقتات به المخلوقات فإنه من رزقه ومن فضله أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه فكل الخلائق تعيش على رزقه سبحانه وتعالى حتى الكفار أعداء الله يعيشون على رزقه سبحانه وتعالى. Et la malédiction signifie l'éloignement et l'éjection de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ceci prouve la gravité donc de leurs paroles, qu'Allah nous en préserve. Puis Allah Azza wa Jal a dit en réponse à cette parole, Bal yadahum absutatan yunfiqu kayfa yasha. Au contraire, ses deux mains sont grandes ouvertes et il donne comme il veut. Donc, toutes les créatures vivent grâce au bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala et grâce à sa pourvoyance. Toutes les créatures, parmi les bêtes, les animaux, les êtres humains, les insectes, toute créature vit selon la pourvoyance d'Allah subhanahu wa ta'ala, et la pourvoyance d'Allah azza wa jal est active de jour comme de nuit. Pour cela qu'Allah azza wa jal a dit وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. À Allah appartient les trésors des cieux et de la terre. Et donc tout ce que mangent et tout ce que consomment les créatures provient de la pourvoyance d'Allah subhanahu wa ta'ala et de ses bienfaits. Comme Allah azza wa jal a dit, quel est celui qui vous donnera votre subsistance s'il arrête de fournir sa pourvoyance? Qui d'autre qu'Allah Azza wa Jal pourra vous donner votre subsistance si Allah subhanahu wa ta'ala s'en abstient? Si Allah subhanahu wa ta'ala s'abstient de nous donner et de nous accorder, qui, en dehors de lui, pourra nous subvenir à nos besoins? فَكُلُّ الْخَلَائِقِ تَعِيشُ عَلَى رِزْقِهِ سُبْحَانَهُ. Toutes les créatures donc vivent selon la pourvoyance d'Allah subhanahu wa ta'ala, même les non-musulmans qui sont ses ennemis vivent par la pourvoyance d'Allah subhanahu wa ta'ala. بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ فَوَصَفَ نَفْسَهُ بِأَنَّ لَهُ يَدَيْنِ وَأَنَّهُ يُنْفِقُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى كَيْفَ يَشَاءُ لَا أَحَدَ يَعْتَرِضُ عَلَيْهِ وَلَا يَمْنَعُهُ وَلَا يَمْنَعُ فَضْلَهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. Au contraire, ses deux mains sont grandes ouvertes et il donne comme il veut. Allah Azza wa Jal a donc attribué à lui-même deux mains. Et Allah subhanahu wa ta'ala donne comme il veut. Personne ne s'intercale ou personne ne s'interpose. Personne ne s'interpose dans cela. Personne n'empêche la pourvoyance d'Allah subhanahu wa ta'ala et Allah azza wa jal wa la yamna'u fadlahu subhanahu wa ta'ala. Et personne ne peut arrêter ou ne peut empêcher les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Al-shahidu min al-ayah yadahu wasafa nafsahu bi anna lahu yadayn kama fi al-ayah al-ukhra ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayn haythu khalaqa adama bi yadayn wa amma baqiyatu al-khalaiq فإنه يخلقها بأمره يقول لشيء كن فيكون تتكون الأشياء بأمره سبحانه أما آدم فإن الله خلقه بيده سبحانه بيديه سبحانه بيده سبحانه وهذا تشريف لآدم عليه الصلاة والسلام من بين سائر الخلق أن الله خلقه بيده جل وعلا لما خلقت بيدي قال خلقت ثم قال بيدي هذا صريح في إثبات اليدين لله سبحانه وتعالى. Donc ce qu'il faut retenir du verset, c'est la parole d'Allah Azza wa Jal, yadahu, ses deux mains. Allah Azza wa Jal s'est donc décrit comme ayant deux mains, comme il l'a dit dans un autre verset. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, lorsqu'il s'est adressé au diable, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yaday, qu'est-ce qui t'a empêché de te prosterner devant ce que j'ai créé de mes propres mains, de ce que j'ai créé de mes mains. حيث خلق آدم بيديه سبحانه وتعالى. Allah عز وجل a donc créé Adam عليه السلام de ses mains سبحانه وتعالى. Quant aux autres créatures, Allah عز وجل les a créées par son commandement, c'est-à-dire qu'il leur a dit soit et elles ont eu lieu. تتكون الأشياء بأمره سبحانه. Les choses donc sont créées par le simple commandement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il suffit qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit soit et cette chose est. Quant à Adam alayhi salam, Allah azza wa jalla l'a créé de ses mains, et ceci est un honneur vis-à-vis de Adam alayhi salatu wa salam, comparé à l'ensemble des autres créatures, car Allah azza wa jalla l'a créé de ses mains lorsqu'il a dit lima khalaqtu bi yaday, de ce que j'ai créé de mes mains. Allah Azza wa Jalla a dit khalaqtu, de ce que j'ai créé, puis a dit de mes mains. Et ceci est clair et évident qu'Allah Azza wa Jalla s'est attribué deux mains subhanahu wa ta'ala. Ahlu al-dalal yaqulun al-muradu bi yadillah qudratuhu ay khalaqtuhu bi qudrati fayuraddu alayhim annahu law kana kadhalik lam yakun li adam maziyya ala ghayrihi min al-makhluqat. كل المخلوقات خلقت بقدرة الله سبحانه وتعالى. ثانيا أنه قال بيدي، هل يقال بقدرتي؟ هل لله قدرة أم قدرة واحدة؟ له قدرة واحدة، فدل على أن قوله بيدي تثنية يد اليد الحقيقية، كما يفهم هذا من المعنى اللغوي والمعروف في الحس، لكن له يدان سبحانه وتعالى تختصان به لا تشبهان يدي المخلوق، فيداه تليقان به جل وعلا، ولا يعلم كيفيتهما إلا الله، وليست كيدي المخلوقين. Quant aux égarés, ils disent Allah Azza wa Jal voulait dire par la main d'Allah la puissance d'Allah, le pouvoir d'Allah, c'est-à-dire je l'ai créé par la puissance. Nous leur répondons que si c'était comme vous le dites, Adam alayhi salam n'aurait pas eu de mérite par rapport à l'ensemble des autres créatures qui ont été créées par la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Premièrement. Deuxièmement, Allah azza wa jalla a dit par mes mains. هل يقال بقدرتي, si l'on dit par mes puissances, est-ce que cela veut dire est-ce qu'Allah Azza wa Jal a deux puissances ou n'en a-t-il qu'une? Si on dit que yaday, les mains ici dans ce verset, ça ne veut pas dire les mains mais la puissance, cela veut dire que il y a deux puissances qu'Allah Azza wa Jal a utilisé, le duel biyaday, mes deux mains. Donc si on dit que les mains signifient la puissance, cela veut dire qu'il y a deux puissances. Or Allah Azza wa Jal n'a qu'une puissance. Lahu qudratun wahida. Allah n'a qu'une puissance. Fadalla ala anna qawlahu. Ceci prouve que sa parole de mes deux mains, eh bien, signifie bien les mains, des mains réelles. Comme ceci est compris d'autre part par le sens linguistique et ce qui est connu également. Mais Allah Azza wa Jal a deux mains qui lui sont propres. Deux mains qui ne ressemblent pas aux mains de ces créatures, deux mains qui sont propres à Allah subhanahu wa ta'ala et dont lui seul connaît le comment, et elles ne sont en aucun cas comme les mains de ces créatures. فهم ينفون عن الله اليدين خشية من التشبيه بزعمه فنقول لا تشبيه أبدا لأنه لا تشابه بين يدي الله وبين يدي المخلوق حاشا وكلا وإنما يقع التشابه عند من لا يعقل ولا يفهم كلام الله وأما أهل العلم فلا يشكل هذا عليهم. il nie donc, c'est-à-dire ses égarés, il nie à Allah subhanahu wa ta'ala les deux mains, de peur de tomber dans la ressemblance, comme ils disent. C'est-à-dire de peur de faire ressembler Allah à ses créatures. Et nous leur répondons, il n'y a pas de ressemblance. Car il n'y a pas de ressemblance entre la main d'Allah et la main de ses créatures. Qu'Allah en soit exalté. Mais la ressemblance intervient auprès de ceux qui ne raisonnent pas, de ceux qui ne comprennent pas la parole d'Allah. Quant aux gens de science, cela n'est pas un problème pour eux. ونكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.